Un papillon se pose sur une fleur fanée. Celle-ci devient rose et rougit et se lève. Et le temps d'un instant, elle respire vie et juge le temps d'un moment, cette fleur fanée rêve. Fleur fanée rêve. Fleur fanée se lève. Fleur fanée rêve. Fleur fanée se lève. Une fleur fanée accueille un papillon, et celui-ci trouve ce qu'il reste de sève. À cette fleur flétrie, il redonne un nom, et sous ses doux baisers, la fleur fanée rêve. Fleur fanée rêve. Fleur fanée se lève. Fleur fanée rêve. Fleur fanée se lève. Mais le doux papillon, au petit jour d'école, est la seule à la fleur, puisqu'elle n'a plus de sève. Et la seule au matin, le voyant qui s'envole, toute seule au matin, la fleur fanée rêve. Fleur fanée rêve. Fleur fanée se lève. Fleur fanée rêve. Fleur fanée se lève.